Alors, il est comment? Vous pouvez le décrire, madame? Il a les cheveux noirs, une petite moustache et il est un peu gros. Il porte une veste bleue et un pantalon noir. Et quelle taille fait-il? Oh, il n'est pas très grand. Il fait 1,70 m. Vous savez, monsieur l'agent, mon mari n'aime pas beaucoup les grands magasins et il marche lentement. Pas de problème. Nous allons chercher votre mari. Il est peut-être encore dans le magasin.